Les découvertes musicales de Fadjet. Troisième single de son premier EP, le chanteur Iliane vous présente le titre « Parfum d'écume ». Souviens-toi de ces deux demi-mots prononcés de vive voix. C'était Parfum d'écume de Iliane sur Fadjet dans les découvertes musicales.